Il était posé près du sol, dans un buisson touffu. On eût dit une boule grise. De la mousse, des herbes sèches, quelques filaments de racines en fortifient l'extérieur. Dedans, de la laine, des crins et des plumes. Et au milieu, cinq petits œufs luisants, dans le fond blanc pointillé de rouge, se nuançaient d'une vague teinte d'azur. Le surlendemain, des coquilles vides jonchaient le gazon, sous le nid. Et à la place des œufs, je pouvais contempler cinq adorables petits monstres, les yeux clos encore et tout en bec. J'eus quelque peine, je l'avoue, à attendre patiemment le moment précis, l'heure psychologique où, assez fort pour se passer de leur famille, les oisillons n'ont pas encore la plume assez longue pour s'envoler. Mais enfin, cette heure arriva, et j'emportai le nid, les yeux baissés, poursuivi jusqu'à la maison, du moins je me le figurais, par les cris désespérés du père et de la mère. Sur les cinq, quatre moururent. Celui qui survécut, contre toute espérance, fut l'infortuné culot, toujours étouffant au fond du nid, perpétuellement martyrisé par ses frères, dont les coups de bec et les coups d'aile ne lui permettaient guère de manger à sa faim. Une fois seul, par exemple, il regagna le temps perdu, se remplumant à vue d'œil et nettoyant sans effort la part des quatre autres. Si bien qu'à rien de temps, cet avorton malingre se trouva être le plus magnifique des sujets. Et un mâle, s'il vous plaît, car parurent bientôt, sur le front et sur la gorge, les belles taches cramoisies qui sont l'insigne des linots chanteurs.